Un legs par André Theuriet. À l'époque où j'habitais encore ma petite ville de Rennes, je rencontrais fréquemment à la bibliothèque municipale un visiteur assidu qui avait obtenu le prêt des livres et qui en faisait une prodigieuse consommation. Ce qu'il dévorait de récits de voyages et de traités de géographie était incalculable. Toutefois, à ses lectures techniques, il adjoignait de temps à autre des recueils de vers romantiques. Ce goût singulier pour la poésie chez un vieillard d'humeur peu sentimentale, d'esprit positif, et que l'idéal ne tourmentait guère, avait fini par piquer ma curiosité. Bien que les façons bourrues et plutôt rébarbatives du personnage invitassent peu à la familiarité, j'essayais de lier connaissance avec lui, et j'y parvins à la longue. En ma qualité de bibliothécaire amateur, j'étais chargé de surveiller le prêt des livres et l'empressement que je mettais à satisfaire les fantaisies de cet enragéliseur me concilia ses bonnes grâces. Parfois, quittant ensemble la salle de lecture, nous prenions par les remparts et je le reconduisais jusqu'à la maison qu'il occupait dans le faubourg, une maison isolée au milieu d'un jardin en friche et où il ne laissait pénétrer personne. Cet original se nommait Jean Faubert, mais dans la ville on l'appelait tout simplement le commandeur. Commandeur de quoi ? Il n'était décoré d'aucun ordre et cette appellation étrange resta pour moi une énigme, jusqu'au jour où une âme charitable, comme on en trouve souvent en province, m'expliqua qu'on donnait aux Antilles ce nom de commandeur au chef des escouades de nègres attachés à une plantation et ajouta qu'on soupçonnait fortement Faubert d'avoir fait la traite avant 1848. Je dois convenir que ce diable d'homme avait en effet la mine de l'emploi. De taille moyenne, maigre, trapu et robuste, il se maintenait très vert, bien qu'il comptât 70 ans. Il gardait dans le geste, dans le froncement de ses sourcils broussailleux, dans le son de sa voix cassante, dans la façon de lancer loin de lui un brusque jet de salive, quelque chose de brutal et de cyniquement autoritaire. Rien qu'à voir le moulinet suggestif qu'il imprimait à sa canne, on se disait qu'il avait fort bien pu manier le fouet du négrier. Ses cheveux blancs, courts, crépus, descendaient très bas sous un front carré et impitoyable. Ses petits yeux clairs avaient la dureté de l'onyx, avec parfois une froide lueur de menace quand on le contrecarrait. Son visage tanné était marqué de petites véroles et une balafre à la lèvre supérieure donnait à sa bouche une expression de cruelle énergie. Ayant quitté sa ville natale à 20 ans, il n'y était revenu que sexagénaire et possesseur d'une fortune assez ronde, dont l'origine demeurait inexpliquée. Il ne parlait pas volontiers de la période de sa vie comprise entre son départ et son retour. Pourtant, quand notre intimité fut mieux établie et qu'il devint plus expansif, il lui arrivait parfois de laisser échapper, dans l'entraînement d'une discussion ou d'un récit, certains mots ou quelques brèves confidences qui ouvraient une soudaine échappée sur son passé aventureux et qui, je l'avoue, était de nature à confirmer les défavorables rumeurs relativement à son ancienne profession. Une fois, entre autres, nous causions d'histoire naturelle et à propos de la voracité des requins, il s'oublia à me dire « Ces grenats-là flairent d'avance les aubaines qui les attendent. Une année, monsieur, je naviguais dans le golfe du Mexique avec un convoi de nègres qui émigrait à la Nouvelle-Orléans. Nous les avions logés dans l'entrepont. Ils s'y trouvaient mal à l'aise et se laissaient mourir comme des mouches. De temps en temps, il en claquait un ou deux, et nous nous hâtions de les jeter à la mer. Les requins le savaient, monsieur. Ils nous suivaient à la piste, et nous les voyions grouiller autour de la coque comme ces pauvres diables qui s'attroupent aux portes des casernes à l'heure de la soupe. Ils espéraient la chair noire. Ils l'attendaient comme leur dû, et ils nous firent la conduite jusqu'à l'entrée du port. » Il racontait cela simplement, ainsi qu'une chose toute naturelle, avec un sourire qui retroussait cruellement ses lèvres balafrées, et en l'écoutant, je sentais un petit frisson me courir dans le dos. Malgré tout, et à cause même du mystère qui enveloppait son passé énigmatique, je cultivais volontiers la société du commandeur. De son côté, il me prenait peu à peu en amitié, et me la marquait en m'introduisant dans sa maison obstinément fermée aux indifférents. Les pièces principales de ce logis sommairement meublé était encombré de livres et de paperasse. « Lorsque j'irai manger l'herbe par les racines, me disait-il, je lèguerai tout ça à la bibliothèque et je vous instituerai mon légataire universel. » Ce lugubre événement arriva plus tôt que nous ne le pensions l'un et l'autre. Pendant le rigoureux hiver de 1879, le commandeur fut saisi par le froid en sortant de la salle surchauffée d'un café et une congestion pulmonaire l'emporta en 5 jours. En ma qualité d'exécuteur de ses dernières volontés, je m'occupais de cataloguer les bouquins et les volumineuses liasses de papier légués à la ville. Les paperasses, d'un intérêt médiocre, contenaient un amas de notes confuses, griffonnées par Jean Faubert, au fur et à mesure de ses lectures copieuses. Mais en les dépouillant, je fis par hasard une trouvaille qui me promettait de me payer de ma peine en me révélant un épisode très inattendu de la vie aventureuse du commandeur et en me montrant sous un jour tout à fait neuf l'état d'âme de ce rude et positif personnage. En dépouillant un poudreux dossier, je tombai sur un mince volume in octavo, luxueusement relié en maroquin bleu, orné au petit fer et presque entièrement écrit de la main de Jean Faubert. Sur le plat, je lus, gravé en lettres d'or, Lorenza, 1837-1838. À la suite des feuilles de garde en soie bleue moirée, le livre s'ouvrait par une aquarelle représentant une jeune femme vêtue de blanc, coiffée d'une mantille noire, dans les plis de laquelle était fixé un œillet rose. Cette jolie personne, aux traits délicats et spirituellement expressifs, aux longs yeux gris noyés de tendresse et à la bouche malicieuse, est-elle la Lorenza désignée sur le titre du volume. À la page suivante, une note du commandeur contenait des détails précis sur l'original du portrait. Elle appartenait à une famille patricienne du Trentin, et Faubert, qui naviguait alors dans l'Adriatique, l'avait connue à Trieste où elle s'était mariée. Il l'avait rencontrée, pendant le carnaval, avec Lyonnais, et l'avait tendrement aimée, ainsi que le prouvait une vingtaine de petits poèmes qui composaient la majeure partie du manuscrit. La plupart de ses poésies étaient d'une facture médiocre, mais d'un sentiment naïf et touchant. Elles avaient le charme et l'attrait des plantes sauvages. Elles plaisaient par l'inexpérience même de ce rimeur, qui n'entendait rien au métier et qui écrivait uniquement poussé par le besoin instinctif de traduire, dans une forme poétique, la passion qui le tourmentait. J'en cite une au hasard, comme la caractéristique de ces cantiques bégayés par un amoureux inculte et plein d'une profonde tendresse. Quand je t'ai rencontré au bal un soir d'hiver, des œillets fleurissaient au corsage entrouvert. Tu répandais un frais parfum d'amour parmi la fête. Cet amour a brûlé mon cœur et grisé ma tête. Lorenza, Lorenza, te souviens-tu toujours de ce temps de ta vie où, comme une déesse, tu montais l'escalier doré de la jeunesse, entraînant après toi mon cœur flambant d'amour? Tous les petits poèmes que contenait le mince volume exhalaient cette même odeur de tendresse dévotement ardente. À la suite et à la dernière page, était épinglée une lettre de femme écrite en italien, et en tête de laquelle un œil desséché se trouvait fixé par une bandelette de papier. La lettre, mélancolique épilogue de ce roman de jeunesse, était ainsi conçue. « Cher Seigneur, vous me dites que vous ne pouvez plus vivre sans moi parce que vous m'aimez passionnément. Je le savais, et vous parlez franchement, de mon côté, j'éprouve pour vous un doux sentiment qui deviendrait facilement une tendresse passionnée. Marca, je ne suis pas d'humeur à faire l'amour platonique, et d'autre part, je suis marié. Des liens nombreux me retiennent ici, et je ne me sens pas le courage de les rompre pour vous suivre à l'étranger. N'allons donc pas plus avant sur ce chemin dangereux. Soyez persuadé, si cela peut adoucir votre peine, que je vous aurais bien aimé, s'il m'avait été permis de me donner entièrement à vous. Je vous envoie comme adieu un des œillets que j'ai porté. Vous savez que c'est ma fleur favorite. Bon courage, cher Seigneur, et pensez quelquefois à moi, comme je penserai souvent à vous, Lorenza. » Ainsi s'était terminée cette brève idylle amoureuse, et ce dur et brutal négrier, car il l'avait été, je le savais maintenant pertinemment, ce peu scrupuleux trafiquant de chair noire avait pieusement gardé, en un coin de son cœur de sacripant, le souvenir de ce chaste amour, poussé dans sa rude vie d'aventurier, comme une fleur de marjolaine au milieu d'une lande rocailleuse. Tant il est vrai qu'il n'existe pas d'être humain, si enfoncé soit-il dans les fanges de la matière, qu'un sincère amour ne puisse relever et embaumer d'un idéal parfum de poésie. Ainsi s'achève un legs d'André Theuriet.